Les 26, 27 et 28 avril, la 25e édition des Francs Ouvertes se poursuit avec les demi-finales. Où que vous soyez, vous pourrez faire le plein de découvertes musicales avec Ambre Ciel, Oui Merci, Calamine, Tremble, Étienne Copé, Douance, Superplage, Vendôme et Jam. En direct du Lion d'Or, assistez en ligne aux trois prestations par soirée. Commentez et votez pour vos artistes préférés. Rendez-vous à francouverte.com pour découvrir la programmation, écouter des extraits et visionner une foule de vidéos. Les Francouvertes, une présentation Sirius XM. Hey, vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaînes musicales. Salut, c'est Valence. Vous écoutez choc.ca. C'est là que j'ai touché le fond de mes culottes. Son reste était tout mouillé. T'avais pissé dans tes culottes? Non. Le moulin de l'île Perrault, il était hanté. C'est sûrement de l'ectoplasme. C'était tout gluant. T'avais pissé dans tes culottes? Non. La légende dit que le boulanger du moulin au bout de l'île, il est pas vraiment mort du scorbut. C'est un sauvage qui aurait planté son tomahawk en pleine face, puis depuis ce temps-là, ben, il hante le moulin. C'est sûrement lui là, qui est passé au travers de mes culottes quand je suis entré dans le vieux moulin. T'avais clairement pissé dans tes culottes. Oh, oh! Je pense qu'on est en onde. Oh, ben bienvenue à Décidérez, édition locale, chapitre île Perrault, émission 602. Vous êtes avec Jérémy Bernastic, votre animateur. Et cette semaine, on est juste deux en studio, juste deux beaux mâles virils de l'île Perrault qui aiment jouer au nin. Comme il n'y a pas de femme avec nous cette semaine, on va en profiter pour parler de baseball et de sujets qui font plaisir à son mâle. Yeah! Oh! On vient d'entendre la voix chaude de Thierry. Comment il va cette semaine, notre beau Thierry? Ah ben, dis donc! Ça fait tellement beau cette semaine que j'ai sorti mon kayak. Cette semaine, j'ai été faire une belle randonnée dans le coin de l'île aux phoques. L'île qui fourre? Pardon? Laisse faire. Bon, avant d'aller avec nos chroniques puis de passer le melon, j'ai quelques nouvelles brèves à vous raconter. Mais avant, ben, il y a quelqu'un qui a rêvé à moi. Ah, ça fait longtemps que quelqu'un n'avait pas rêvé à toi. Effectivement, cette fois, c'est Lucien Bigot qui m'a écrit, qui dit qu'il a rêvé à moi. Juste avant, si je peux t'emprunter le melon avant que tu commences ton histoire, il faut pas oublier, il faut souhaiter bonne fête à Anne-Sophie. Oh non, on fera pas ça chaque année. Bonne fête, Anne-Sophie! C'est dans notre convention avec les créateurs des Cies et des Rains, on est obligé de lui souhaiter bonne fête. OK, ben bonne fête, Anne-Sophie. Bon, t'es content, là? Parfaitement. C'est important de respecter notre convention. On peut se faire retirer le droit de produire la version régionale de DC et des Raids de l'île Perrault n'importe quand si on fait n'importe quoi. C'est toi qui as l'air de n'importe quoi. Je vous disais donc que Lucien Bigot, il avait rêvé à moi. Je vous lis sa lettre. Allô, Jérémy. Hier, après avoir mangé une grosse poutre à la belle province de Lille, juste avant de me coucher, j'ai rêvé à toi. J'étais au bord d'une rivière tumultueuse, pagayant dans un kayak rose fluo. Tout autour de moi flottaient des figurines médiévales en plastique. Certaines brandissaient des épées, tandis que d'autres semblaient se livrer à une danse libidineuse sur l'eau. À un moment donné, alors que je naviguais à travers ce tableau surréaliste, j'ai remarqué une silhouette familière se dresser sur la berge. C'était toi, Jérémy, l'animateur de l'émission « Des Cies et des Raies, chapitre île Perrault ». T'étais vêtu uniquement d'une longue cape noire style Batman, puis tu brandissais un micro en plastique ainsi qu'une érection matinale. « Salut !» ai-je crié joyeusement. C'est toi qui as demandé un Uber? » Sans même attendre ma réponse, t'es sauté dans un kayak en forme de Batmobile puis t'as commencé à pagayer avec une énergie débordante. Me faisant des grimaces, on s'est retrouvés chacun à rire aux éclats alors que nous lancions dans une compétition absurde à travers les rapides, évitant de justesse des méduses en plastique qui semblaient surgir de nulle part. Finalement, à la fin des rapides, tu m'as payé la course, m'as donné ta cape et m'as dit « Scooby-Doo » avant de disparaître dans les eaux, une méduse recouvrant ton zouizoui. Mais voilà, c'est M. Bigot qui a rêvé à moi. Je vous rappelle que si vous rêvez à moi, écrivez-le, ben on va vous les rendre. Maintenant, une petite nouvelle brève avant de te passer le melon Montierry. Est-ce que tu vas juste me passer le melon ou autre chose? Bon, je sais pas si tu as lu ça, Montierry, mais le 26 février, Google DeepMind ont annoncé leur projet baptisé Genie, qui implique un système capable de générer des jeux vidéo à partir d'une simple instruction textuelle ou d'une seule image. C'est comme une intelligence artificielle qui est capable de créer un jeu à partir d'une simple image ou de quelques mots. Des jeux comme Mario Bros? Quasiment. C'est pas encore aussi hot que Mario Bros, mais c'est le début. Dans l'exemple qu'on peut voir en ligne, là, tu fais juste écrire quelques mots ou envoyer une image, puis ils te sortent un jeu fonctionnel avec plein de niveaux. Eux, ils disent ça comporte 11 milliards de paramètres. Le modèle de l'IA combine plusieurs technologies pour générer des jeux vidéo par le biais d'une unique instruction textuelle ou une image. Donc, on n'a plus besoin de savoir programmer. Non, juste de savoir écrire une phrase ou d'être capable d'uploader une photo. Puis c'est pour ça que je t'annonce que moi aussi, je vais avoir mon jeu. Comme Papy et Julien? Oui, mais sûrement moins beau, là. Mais si notre campagne de socio-financement lève sur la ruche, on va peut-être sortir avant Papier Julien! Est-ce que je vais être dans le jeu? Bien sûr, ça va être basé sur tout l'univers humoristique de DC et des Rays, là, section El Perro. Il va y avoir des références à nos parties de Donjon Dragon, la fois que j'ai trouvé un cornet de crème à glace dans les toilettes du Dairy Queen, puis beaucoup, beaucoup de références là à notre Banana Golf. Bon, maintenant j'ai assez parlé, je te passe le melon, mon Thierry. Ben bonjour les amis. Attends, je te mets ta chanson de chronique. Marion, c'est pas ça. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout abus sera sanctionné. Pas encore des problèmes techniques. On était bien lancés pourtant, là. On va-tu finir par faire au moins une émission sans avoir de problème? C'est pas de ma faute, j'avais tout ouvert mes onglets avant l'émission. Bon, je te mets ta chanson de chronique. Tutti spariscono. Tutte le papere piangono. Bon, cette semaine, dans ma chronique, j'avais pensé à vous parler. Attends de... un peu, que, Thierry, on a un appel. C'est qui? Oh non, je reconnais le numéro. Tu sais, il nous appelle chaque semaine, puis on n'a pas le choix de l'écouter. Décidérez, El Perro, on vous écoute. Non, ça va-tu commencer cette émission-là? Puis ça serait. Ça, ça m'a choqué un peu que le fait d'avoir les intestins bouchés peut mener à un hockey sans fin. Parce que ce serait ça, ouais. Sa raison. Ce serait, il y aurait les bowel obstructions. Merci, Nicolas, d'avoir appelé. Bon, c'est fait. Fais pas le bougon, Jérémy. Tu sais que selon la convention qu'on a, Nicolas est irremplaçable. Il a le droit de nous appeler chaque semaine. C'est lui le moteur humoristique de cette émission-là. C'est lui l'essence de Décis et des Rais. Ben, si c'est lui l'essence, moi, j'ai juste le goût de l'allumer. Reste gentil avec Nicolas. Moi, c'est mon préféré. Hey! Lâche-moi! Cornio! Tête à claque! Couillonnet! Baseball! Oh, c'est vrai, cette semaine, on est juste entre mâle viril. On avait dit qu'on parlerait de baseball. Ouais, on peut parler de baseball, mais toi, t'arrêtes pas de me rappeler notre convention, là. T'as lu les derniers messages que les créateurs ont envoyés? Il faut pas trop parler de banana ball. Ouais, mais on a toujours pas compris où la banane dans le banana ball. Faut en parler. Ben, c'est comme notre banana golf sur l'île Perro, là. Il y a pas tant de bananes que ça au banana golf, là. On se met un gilet de banane pour jouer au golf avec des tubes de piscine, là. C'est juste ça. Ouais, mais à part le nom, là, banana ball ou banana golf, là, il y a pas bien de bananes dans le jeu, là. Mais tu sais combien ça coûte des bananes? 89 cents la livre. Si t'en veux, va chez IGA. Bon, ça achève-tu le show, là? Il reste pas grand temps, là, pis tu sais que selon la convention, faut lire un bout du livre. Mais Gaétan est pas là cette semaine, c'est lui qui lit ça d'habitude. Ouais, mais c'est dans la convention, on va perdre notre licence si on suit pas les règles. Ok, vas-y, lis-le, toi. Donc, on était rendu à la page 12 de La femme qui mange un taureau de Marc Fischer. J'y vais. Mathilde contempla le vieux journal avec perplexité. Ses doigts parcouraient les pages jaunies. Chaque mot calligraphié semblait danser devant ses yeux. « Vagabond, tu ne vas jamais croire ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle, tandis que son chien levait la tête, une oreille dressée et l'autre retombant gracieusement sur le côté. « Regarde ça !» dit Mathilde, en lui montrant une illustration étrange d'une femme en train de manger un plateau entier de spaghettis avec une fourchette géante. Apparemment, cette femme serait ma lointaine parente. Vagabond renifla le grimoire avec désintérêt, puis retourna à son occupation favorite, lécher la dernière miette de pizza qui traînait sur le plancher. Ok, c'est assez pour cette semaine. Là. Je voulais qu'on garde un peu de temps pour répondre à une demande qu'on a eue. Il y a Simon de Terrasse-Beaudreuil qui avait des questions sur le jeu Jean-le-Baptiste. On se souviendra là, que Nicolas, dans un épisode de Décidérez, avait expliqué le jeu Jean-le-Baptiste. Oh, on a un appel. Oui, allô, Décidérez, Il Perrault? Oh, c'est ICQ qui nous appelle. Ça faisait longtemps. T'es encore vivant, toi? Qu'est-ce que tu fais de beau? Bon, ben, merci d'avoir appelé. Bon, c'est déjà la fin de l'émission qui approche. Il reste quasiment plus de temps. OK, on va faire des questions-réponses en vrac jusqu'à la fin. Hey, c'est moi l'animateur, c'est moi qui décide ce qu'on fait. Ben oui, c'est toi l'animateur. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben je pense qu'on va faire des questions en vrac jusqu'à la fin. Première question. Dans le jeu à succès inventé par Nicolas Jean-Baptiste, est-ce que si Hérode tue Jésus avant d'avoir épousé Hérodiade, on a le droit au bonus? Ah, c'est une bonne question qui nous vient de M. Martel. C'est difficile, il va falloir, je pense, consulter Nicolas, là, c'est lui qui est le maître Dieu de ce jeu. Nous, la section Il Perrault de Décidérez, je vous le rappelle, on organise bien sûr des soirées Jean-Baptiste tous les vendredis soirs à la bibliothèque, mais pour l'arbitrage des règles, pour des raisons légales, on doit toujours se référer à Nicolas. Donc, on confirme avec lui et on vous répond par courriel. Ok, on a le temps pour une dernière question. Est-ce qu'on dit Nin ou Nint à l'île Perrault? Eh bien, je vous confirme, les vrais, ils disent Nin. 10 secondes, 10 secondes! Hey, c'est moi l'animateur. Bon, c'est fini. Merci Thierry, merci les Patreons. Merci à nos créateurs de Décidérez. On se retrouve dans Toujours Perrault dans quelques minutes pour nos Patreons. Bye bye, à la semaine prochaine, on se revoit!